même le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Mais il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5. Et comme à chaque fois de moi, je suis avec Victor. Bonjour Victor, comment tu vas? Bonjour Jade, ça va très très bien et toi? Ça va très bien, merci. J'espère que vous êtes tous bien installés dans votre siège numéro 42 parce qu'aujourd'hui, on rattrape le mois de juillet. Plus de 30 ans de service. Médaillé de guerre, plusieurs citations. Seul homme à avoir abattu 3 appareils ennemis ces 40 dernières années. Et pourtant, vous n'êtes pas promu, vous refusez la retraite. Et en dépit de tous vos efforts, vous n'êtes toujours pas mort. Vous devriez être au minimum contre-amiral à l'heure qu'il est. Et vous en êtes encore là. Capitaine. Pourquoi? Tell me, what's a timberman want with being a wiki? Just looking to earn a living, just like any man. Starting new. On the run. Keeping secrets, are you? No, sir. Watch you spill your beans. Hey, my friend. I got that kid I was talking to you about here. Watch you spill I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay? Hello? Is that Frank? Yes. Hiya, Frank. This is Jimmy Hoffa. Glad to meet you. Glad to meet you, too, even if it's over the phone. Our friend speaks very highly of you. Thank you. Only 3 people in the world have one of these. And only one of them is Irish. I heard you paint houses. No, please! No, no, wait! Yes, I do, sir. Where are you going? Going to work. Well, you know, there's a situation going on now, Frank. Big business and the government, they're trying to pull us down. You might be demonstrating a failure to show appreciation. I know things they don't know I know. You can't miss the big picture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en juillet? Il s'est pas passé grand chose, bon, à part un gros truc dont on va parler là toute fin parce qu'on garde le meilleur pour la fin, mais en vrai ouais, on s'est un petit peu fait chier. Alors on va sans transition, on met les plaies dans le plat direct. On va commencer par des petites rumeurs, des petits trucs qui, des bruits de couloir. Qui se souvient de Venom, ce grand chef-d'œuvre du cinéma indépendant, j'ai envie de dire, ce film de super-héros, de anti-héros qui a ravi les plus fans et les plus fins amateurs de les Marvel d'entre nous. On adore ça, on adore ça. Ah putain, la chanson, elle est formidable, je vous invite à l'écouter. Et ben du coup, ce film a tellement été apprécié par tout le monde qu'il va y avoir un 2. Et là, pour l'instant, ils en sont encore au stage de qui va réaliser ce film. Et il commence à y avoir des petites discussions, à savoir autour de Travis Knight, qui avait réalisé Bumblebee, Rupert Wyatt, qui avait réalisé les Planète des Singes, les Origines, il me semble. Ouais, le premier, ouais. Et attention, tenez-vous bien, Andy Serkis. Pourquoi Andy Serkis? Alors, sans no offense to Travis Knight et Rupert Wyatt, qui sont de bons réals aussi, de très bons réals aussi, mais enfin, je sais pas, Andy Serkis, je trouve ça me paraît un peu sorti de nulle part pour un film comme Venom 2. Après, si c'est un de ces 3 réals, ça peut être quelque chose de complètement différent que Venom 1, et de peut-être mieux et moins nanardesque. qui peut être tout autrement mieux fait que le 1 et tout aussi intéressant, voire plus. Je sais pas ce que t'en penses, Victor. Toi, tu t'en fous, non? Ouais. Alors, désolé, c'est je m'en, voilà, je m'en c'est fous pas de toi, mais petite Venom, rumeur. Bah, moi, en fait, j'aime beaucoup Venom. C'est pour ça que j'ai à la fois, j'ai bien aimé le film parce qu'il m'a fait rire, mais en même temps, ça m'a déçu parce que bah. Tom Hardy et Léo Mar. Hein. Ouais, voilà. François parce de que... Rugy, Billy et Lac. C'est son film préféré. Il adore ce film. Mais ouais, du coup, en même temps, ça m'a un petit peu déçu parce que j'aime beaucoup Venom, Carnage et tout le lore de Carnage. Spider-Man, tout ça. Et bah, justement, de... on va certainement le voir Tahiti dans le 2. Bob. Tahiti Bob. Mais du coup, bah, j'ai un peu. Je suis curieuse. Ma curiosité est piquée. D'autres rumeurs qui circulent dans les couloirs d'Hollywood, cette grande industrie machine où ils ont un seul immeuble et plein de couloirs. Cette fois concernant Mad Max, ça ressort un peu des ombres, mais apparemment George Miller aurait dit à je ne sais pas qui, j'ai pas très bien fait mon travail, j'ai pas toutes les rêves. C'est pas IndieWire, ils ont fait pas. Peut-être, je l'ai pas trouvé sur IndieWire, l'article je l'ai trouvé sur Empire, mais. C'était cité d'autre part, mais bref. En gros, il y a des petits bails à Warner Bros. Concernant Mad Max et la franchise et George Miller, tout ça. Mais, en gros, il a dit que... Je dis beaucoup de fois en gros. Il dit qu'il y a deux histoires en développement, pré-développement, je sais pas trop. Une concernant Mad Max et l'autre concernant Furiosa. On savait déjà qu'il allait peut-être avoir un spin-off sur Furiosa, mais c'était un peu oublié. Et du coup, George Miller dit qu'ils essaient de résoudre les soucis qu'il y a à Warner. Ils essaient de laisser un peu couler les problèmes et tout, de trouver une solution. Mais qu'en gros, c'est assez clair que ça va arriver un jour ou l'autre. Donc tenez-vous prêts à avoir deux nouveaux films Mad Max, dont un concernant Furiosa. Ce qui m'amène à mon prochain point et ce qui nous ramène au dernier épisode de la salle 5, qui parlait de remake 100% féminin. Épisode que je vous invite à aller réécouter ou écouter si vous ne l'avez toujours pas fait. Donc on parlait de remake 100% féminin et on avait évoqué vite fait le potentiel remake de Lord of the Flies, qui est un bouquin qui est adapté en série, en film, qui a été repris dans les Simpsons, dans plein de trucs et tout. Et c'est ressorti genre deux jours après, je crois qu'on est sorti l'émission, qu'il y allait avoir une adaptation. Alors qu'on n'en avait pas entendu parler depuis 2017-2018. Et ben devinez quoi ? Apparemment, Luca Guadagnino serait peut-être affilié, enfin en tout cas il est ripper quoi, il est zioté pour le réaliser. Après, le fait que ce soit un remake 100% féminin, je sais pas si c'est encore d'actualité, parce que j'ai lu masse d'articles et tous disaient juste le mot adaptation, mais personne ne parlait de gender swap ou quoi que ce soit. Ah si, il y en a un qui disait... que ça allait être réactualisé dans le sens, enfin un peu modernisé entre guillemets, enfin ils avaient fait une longue paraphrase pour dire genre progressisme, tout ça, blablabla, ouais en gros. Mais du coup, ben encore une fois, tenez-vous prêts, moi j'aime beaucoup l'histoire de Lord of the Flies, vous le savez, si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous savez que j'arrête pas de recommander la série The Society, voilà, c'est on le sait. C'est le truc avec l'anneau, voilà. Et Gollum, ouais, et tout exactement. Ça, c'est ça. Exactement, et non, ça c'est la communauté, la Lord of the Flies. Donc oui, j'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup les thèmes que ça aborde, tout ça. C'est pour ça que je suis très curieuse de le voir. Après, c'est encore une fois qu'une rumeur, c'est un retour d'une rumeur, c'est apparemment plus sûr que celle d'avant, mais ça reste des bruits de couloir, donc voilà. Mais cela dit, ça m'a fait penser à un truc, ça m'a fait penser à un film que j'ai pas vu, mais que toi, Victor, t'as vu, c'est Les Garçons Sauvages, un film français, c'est ça. Qui du coup reprend un peu l'histoire de Lord of the Flies, il me semble. Oui, c'est des garçons qui sont envoyés dans un camp. Enfin, en fait, ils vont être à deux doigts d'être envoyés vers un camp, mais le bateau part à la dérive, il me semble, et ils sont sur une île où ils vont changer de genre. Ah oui, bon, rien à voir, mais le fait de garçon sur une île, ça me fait penser un peu à ça. Il y a un côté, oui, ouais, où chaque inspiré, il balance des coups et tout ça. C'est inspiré, il faudrait que je regarde ce film un jour. On va rester toujours sur le même sujet parce que moi je suis tous en continuité, en linéarité. C'est un chef-d'œuvre de transition. Ah bah oui, je me perfectionne d'émission dans mes transitions. D'émission, oui, j'ai un petit peu le nez bouché. J'en parlais aussi dans l'épisode d'avant. James Bond 007, j'en parlais dans tous les épisodes d'avant parce que je fais que ça d'en parler. ça a été annoncé, ou ça a été... Enfin, je sais pas si vraiment annoncé, ou quelqu'un l'a dit dans une interview. Ça a été confirmé, ouais. Ça a été confirmé que... Pas James Bond, mais 007 va être joué par Lashana Lynch dans le prochain James Bond. Lashana Lynch, c'est... J'adore Melon Maria. Je m'en doutais. C'est la sœur de David Lynch. Non, c'est Maria dans Captain Marvel, la copine de Captain Carole. Marvel. Et je suis ravie. Alors moi, je faisais partie des gens qui voulaient soit absolument Idris Elba en nouveau James Bond, soit une meuf. Et ben là, à tous les rageux qui voulaient ni l'un ni l'autre, on a une meuf noire en plus. Bon, c'est pas James Bond, c'est 007, parce qu'il y aura toujours Daniel Craig. Ouais, Clay. Mais c'est le blaze, tu vois, c'est réapproprié le blaze. C'est très stylé, et c'est du même acabit, j'ai envie de dire, que quand ils avaient remplacé... renouveler M avec une meuf avec Judi Dench. C'était qui avant qui jouait M? Alors là, aucune idée. J'ai pas vu les vieux James Bond. Il faudra que je me les fasse un jour. Peut-être que si on fait hors série sur James Bond, peut-être, mais je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Un mec blanc, vieux, certainement. Mais donc, oui, je suis ravie et j'ai très hâte de ce prochain James Bond. De toute façon, vous le savez déjà, tu le sais déjà, Victor. J'ai très hâte qu'il sorte. Très bon casting, très bon réal et. Très bonne nouvelle que le 007, la 007, soit maintenant la Lashana Lynch. Et je me demande ce que va devenir Daniel Craig après ce James Bond, dans ce James Bond même. Mais il y en a marre. Ouais, voilà, parce que voilà, c'est, boulot, ça ouais. fait. Je crois que c'est celui qui a le plus de films. James Bond, il me semble que c'est lui. Hein. Avec le prochain, je pense que ça sera le. Il en a fait 4 ou 5. Ouais. Attends. Sean Connery et Roger Moore. Ça va être son 5e, là, je crois. Ouais. Donc c'est peut-être le deuxième ou le premier James Bond. Je suis pas expert en James Bondry. Il faudrait demander aux copains de l'émission Flashback. On leur demandera s'ils font une émission sur James Bond. Je me pointerai et on aura nos réponses. On aura nos réponses et vous aurez les réponses. Sans transition aucune. Alors je viens de dire que je m'améliore en transition, mais en fait pas du tout. On a eu un événement. On dit qu'on se fait chier en juillet, mais on a eu un événement quand même. Alors en mai, on a eu Cannes. En juin, on a eu l'E3. Et en juillet, on a eu la Comic-Con de San Diego, qui est quand même le plus gros événement de l'année pop culture geek. Et forcément, il y a eu le panel de Marvel Studios pour annoncer la 4e phase post-Avengers Endgame et post-Spider-Man Far From Home. Et voilà, j'en perds mes mots, j'étais... Sur Over the Moon, j'étais ravie, j'étais en transe, j'ai fait des crises d'épilepsie, j'ai fait 3 AVC, mon cœur battait la chamade. C'était formidable. Si vous êtes fan de Marvel Studios ou Marvel Comics ou les deux, ou juste de super-héros, ou juste vous aimez bien ça, je suis sûre que si vous n'avez pas encore vu le panel ou que si vous n'êtes pas encore au courant de toutes les annonces, vous allez être ravie de tout ce qui va arriver. Ou pas, ou curieux, ou appréhensif, mais en tout cas, ça, vous ressentez quelque chose, c'est obligé, c'est l'impact de Marvel. Alors qu'est-ce qu'on a eu comme annonce? On a eu des films et des séries cette fois-ci, Marvel sur des Marvel, logos et pas moches. Et pas des, oui, des, pas tous, il y en a qui sont. Non, les séries, pour les séries, sont, les séries sont pas ouf. Genre Loki, là, c'est trop laid, on dirait les jouets trafiqués dans Toy Story. Là. On dirait les lettres de rançon, tu sais, où il y a plein de lettres découpées de différents magazines, c'est trop moche. Mais bon, on peut pas tout avoir. Mais on a eu, oui, donc on a eu des séries annoncées qui se lient aux films qui vont sortir dans la phase 4. Et c'est pas des séries type Les Agents du Shield qui c'est de la merde, ni les séries Netflix qui étaient bien au début mais qui sont devenues de la merde à force. Donc en film, je vais essayer de faire ça chronologiquement, je vais essayer de faire ça bien. En film, premier film de la phase 4, ça va être Black Widow, qui est un préquel, du coup, sur le personnage de Black Widow. Alors, si vous n'avez pas vu Endgame, ce qui m'étonnerait, mais si vous n'avez pas vu Endgame, spoiler alerte, Black Widow est morte, donc moi, je vois pas... Je suis partie trop tôt, ouais, c'est, vraiment. L'image de dauphin, mais... J'ai adoré, je vais en reparler. Mais j'espère que ce sera pas juste pour le plaisir de faire un film sur Black Widow et que ça va vraiment avoir un intérêt où ça va placer d'autres personnages qu'on va découvrir dans la 4e phase, parce que sinon, bah, Osef un peu, même si j'aime bien Black Widow et qu'il y a Rachel Weisz dans le casting, ça je voulais le préciser. Mais voilà, j'espère que je suis curieuse. Ensuite, le film d'après, ça va être Les Éternels, et là j'ai une hype. Grosse, immense grosse et ah mais de ouf. Il y a une image qui a pas leakée mais qui est sortie sur les célestes du coup, et ça a l'air formidable, mais ça a l'air incroyable. J'ai énormément de hâte. Un revenant aussi, un petit ange parti trop tôt et qui revient d'entre les morts, Blade. Ouais. Et alors là, je m'y attendais tellement pas. En plus, Mahershala Ali, c'est le choix, c'est Blade, c'est le mec, c'est Blade, c'est comme Jonah Jameson joué par J.K. Simon, c'est lui. Enfin, tu peux pas caster quelqu'un d'autre. Oui, Wesley Snipes aussi est aussi un très très très bon Blade. Donc j'ai très hâte, surtout que en vrai les films Blade, on a on dit qu'ils sont bien parce qu'on a de l'affection pour eux, parce que c'est la nostalgie, tout ça, mais en vrai, pas ouf. Hein. Voilà, c'est comme tout Daredevil et toutes les merdes qu'on a eues. Donc, beaucoup de hâte. Ensuite, Thor 4, avec, tenez-vous bien, Natalie Portman, le grand retour en tant que Thor. Et là, je suis, mais... J'ai même pas les mots. Victor voit mes gestes, mais c'est faut décrire. Ouais, faut décrire images, parce qu'il y a pas gifs, de mots. Les mots gifs ne sortent de lémurien, pas. Là, qui font c'est les ça, gros tous, yeux, tous tout, les bah, gifs c'est qui dansent et tout, c'est moi. Voilà. J'ai tellement hâte. En plus, avec Tessa Thompson en Valkyrie, qui est maintenant la reine de Asgard. Voilà, encore spoiler alert de Endgame, mais bon, tout le monde avait Endgame vu le nombre d'entrées qu'il a fait au box office. J'espère qu'on aura encore Thor qui va bully. Mais il est encore, il est dedans, donc voilà. Bully de des gamins sans Fortnite. Noobmaster 69, toujours dans nos pensées. Encore un nouveau super-héros. Après ça, on va avoir Shang-Chi. Donc, ça sera, il est joué par Simu Liu, si je dis bien. Simu, c'est ça. Qui d'ailleurs, le gars. On va demander à Eve. On demandera à Eve si c'est la bonne prononciation, si c'est le bon prénom, on dis-nous. Dit bonjour. Voilà, Eve, on te fait des bisous. Merci de nous avoir corrigé sur la dernière publication. On s'est trompé dans le nom. Donc, oui, je connais pas trop ce super-héros. Je m'y intéressais pas trop, mais du coup. Ma curiosité est piquée et je vais aller me renseigner avant que le film sorte. Je vais lire quelques trucs, je pense, dessus si j'aime bien. Mais en tout cas, ça a l'air vachement intéressant. Ensuite, prochain film, et après on va passer aux séries Doctor Strange 2, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, avec, attention, la meilleure chose de ce film, Scarlet Witch, qui va team-up avec lui. Donc on va avoir littéralement les deux personnages, enfin les deux des trois personnages les plus puissants de cet univers ensemble, dans un même film. Donc ça va être formidable, ça va être, en plus visuellement, ça risque d'être oufissime. Et justement, magnifique transition vers la série WandaVision sur Scarlet Witch et Vision, ce qui me ravit un peu moins, parce qu'à la base ça devait être une série que sur Scarlet Witch, mais forcément ils ont foutu Vision dedans, je sais pas pourquoi, même si j'aime beaucoup Vision, mais ça me fait chier, qui va se passer avant Doctor Strange et qui va directement plonger dans le film. En gros, ça va être ils sont liés complètement, c'est ce que je disais juste avant en disant que les séries rejoignaient les films, que c'était vraiment un univers partagé. Une autre série qui va avoir lieu, alors là par contre les séries, je sais pas, c'est dans l'ordre chronologique, je sais pas ce que j'ai foutu. Falcon and the Winter Soldier, donc le faucon et le soldat de l'hiver, qui s'est pourri en français ce nom de super-héros. Donc sur Bucky et Falcon, c'est quoi son prénom, j'ai oublié. Et Falcon, voilà, le faucon, vous l'avez chez vous, pour vous, chez vous. Après Loki, on en a parlé sur... Loki. Vous l'avez deviné, sur Loki. Et Hawkeye sur... Hawkeye. Les deux Hawkeye. Attention, parce que grande arrivante, je sais pas si c'est un mot qui existe, dans l'univers du MCU, la seule, l'unique, Kate Bishop, dont j'attends l'arrivée depuis des siècles et des siècles, et qui fait partie des Young Avengers. Et qui est-ce qui fait partie des Young Avengers? Les enfants de Scarlet Witch, qui vont peut-être être introduits dans sa série avec Vision, du coup, parce que c'est aussi les enfants de Vision. Et j'espère beaucoup que ça va être le cas. Il y en a un qui s'appellera Télé. Que, voilà, hein? Il y en a un qui s'appellera Télé. Télévision, putain. Si vous avez des jeux de mots avec Vision, vous pouvez nous les envoyer sur Twitter, @s5p42. Voilà, hop, comme ça c'est fait. Mais donc oui, j'ai très hâte de voir ça, surtout que Kate Bishop est un super personnage, et que ça va être adapté du run Hawkeye de... J'ai oublié son nom, mais en gros d'une série de comic books Hawkeye, où justement Clint et Kate Bishop sont ensemble en équipe. Et la dernière série qui va arriver, ce sera la série What If, où en gros, ce sera, il me semble, chaque épisode sera sur un univers alternatif où il aurait pu se passer quelque chose d'autre qui s'est passé. Par exemple, c'est pas Chris Evans qui est devenu Captain America, c'est Bucky, par exemple, j'en sais rien. Ça va être des trucs comme ça, où c'est pas machin qui est devenu ce super-héros, c'est une autre personne. Et moi, j'ai très hâte, c'est très à l'image des comics où il y a plusieurs univers alternatifs, il y a la Terre 616, la Terre nanana, la Terre 999, blablabla. Et du coup, ça risque d'être très intéressant, et j'ai énormément de hype, et je sais que ça s'entend peut-être pas à l'audio guide, mais je suis comme une folle à l'intérieur. À l'audiovision. À l'audiovision. Victoire, toi, tu quelques intérêts piqués, mais autrement, voilà quoi. Non. Oui, moi, ce que j'ai surtout retenu de la Comic Con, ce n'est pas tant Marvel, même si je suis très hypé par les Éternels de Chloé Zhao. Ça a l'air cool. Oui, c'est Chloé Zhao qui est géniale réalisatrice indépendante. Ouais. Je vous recommande The Rider, qui est superbe. Mais moi, le truc que j'ai retenu de la Comic-Con, ce n'est pas Marvel, non, mais c'est un autre super-héros qui existe vraiment dans nos vies, qui existe vraiment sur Terre, hors des fictions. Alors, attention, placez vos paris, est-ce Keanu Reeves ou The Rock ? Non, aucun des deux. Ni l'un ni l'autre. C'est wow. À chaque film, il se surpasse pour montrer que c'est un surhomme. Est-ce que c'est Nicolas Cage ? Non, mais toujours pas. Qui est là, cette fois, alors, il a escaladé des tours, l'année dernière, il a fait une course-poursuite de ouf à Paris. Et là, il revient en tant qu'aviateur, en tant que pilote. Ah, Tom Cruise, ah, Top Gun oui, 2. Tom Cruise, ah là là, Top putain, Gun 2. C'est vrai, j'avais oublié. Petite, alors, Maverick. On dirait un nom d'une série allemande, tu sais. Maverick. Petite production. Production Jerry Bruckheimer avec Ed Harris. Comme en bon vieux temps des années 90, mm-hmm. Façon The Rock. Façon The Rock, ouais. Voilà, façon Rock. Oui, façon, Rock, pas The Rock. Et voilà, donc j'attends ça. En plus, on va retrouver Tom Cruise, bien sûr. Évidemment. Val Kilmer sera toujours là. On est toujours dans notre cœur. Et au casting, des petits nouveaux de notre génération. Bah oui. On aura Miles Taylor. Évidemment. Et Jon Hamm. Petit nouveau de notre génération, Jean Jambon. Et Ed Harris, bien sûr. D'ailleurs, Jon Hamm, qui a le même nom que le Premier ministre belge. Ouais. Je vous invite à googler ça. Oui, on a eu le trailer, donc je vous invite à aller le voir. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme trailer ce mois-ci ? Pas des trucs ouf ? Il y a eu le trailer de... Irishman, hier. Oui, de Scorsese. Le nouveau film de Martin Scorsese qui est produit par Netflix. Moi, c'est une grosse hype parce que ça va être apparemment, ça va être une énorme fresque criminelle façon Il était une fois. C'était quoi le dernier film qu'il a sorti ? Silence. Alors, techniquement, le fiction, c'est Silence. Il a sorti un documentaire sur Bob Dylan il y a quelques semaines sur Netflix. Ah oui, j'avais vu ça passer, il me semble. Mais sinon, ouais, c'est Silence. C'est pas le truc avec Andrew Garfield, ça ? C'est... Ah, je l'ai pas vu, mais j'avais vu quelques images et ça avait l'air vachement joli, enfin ouais. Visuellement. Ouais, d'autres bandes annonces intéressantes, pas trop. Quelques séries, mais bon, on s'en fout un peu des séries. Moi, je pense à The Irishman et après, il y avait Top Gun. Est-ce qu'il y a vraiment. On fait des recherches en live. On fait des recherches en live, mais c'est parce que voilà, faut que vous compreniez. On s'est fait chier quand même. Ouais, et puis moi j'ai tellement de Marvel dans la tête voilà. Que je retiens pas le reste. Voilà. D'ailleurs, j'ai tellement de Marvel dans la tête on que ma recommandation ça va être par du Marvel. Par le MCU. Il ah. y a The Lighthouse. Ah oui, bah oui, on est voilà. Con, c'est sorti hier ou avant-hier avec Robert Pattinson. Robert Pattinson et Willem Dafoe. Les deux que j'aime beaucoup. Donc, quand on qui a l'air très joli, c'est aussi un film A24, il me semble, non ? C'est ça, ouais. Donc, c'est beau. En 16 mm avec, on dirait un peu une mauvaise. Un début de blague, genre deux gardiens de phare. sont sur un bateau. deux marins passent la nuit dans un phare. Et il va se passer des trucs. On dirait chelous. Le début d'une blague ou alors le début d'un porno. Ouais. Ça peut être les deux. D'ailleurs, j'ai hâte de voir le remake porno. Ouais, mais sinon, The Lighthouse. On a eu le trailer. Il y a eu le trailer de Zombieland, mais ça, on s'en fout. Ah oui, on s'en fout. Ça a l'air pas bien. Autre production de Jerry Bruckheimer que je suis très, parce que moi, j'aime beaucoup les productions de Jerry Bruckheimer. Hein. Mission G, 10 sur 10. C'est Gemini Man. Le film avec Will Smith. De Will Smith, ouais. Moi, honnêtement, ce film, je le vois avec un Steven Seagal, mais sinon, je le vois pas. Ça serait génial. Mais je crois qu'en plus, il y a un film comme ça. Avec Steven Seagal, où il joue deux Steven Seagal, il me semble, hein. ou Nicolas Cage, je sais plus, mais je suis sûre qu'il y a déjà un film qui s'appelle Gemini Man ou un truc du genre, et c'est le même pitch. Ou alors je l'ai rêvé, j'ai fait un rêve conscient, je sais pas, mais faut googler ça, dites-nous, parce que je suis sûre que ça existe. Et il y a aussi eu un autre trailer important qui a fait le plaisir des mêmes internet. Si je fais miaou. Oh putain. Cats. Oh putain, oh, cette chose affreuse. Oh mon dieu, ça ravit tous les furries du monde, ce machin. Je suis tellement pressée de voir les photos de l'avant-première. De voir comment les acteurs et les actrices vont être habillés et tout. S'ils vont pousser le truc jusqu'au bout et qu'on va venir habiller en chat ou avec des petites oreilles de chat, des trucs comme ça. Surtout que Taylor Swift est dedans et elle est capable de faire ça. Mais oui, Cats, pas ouf. The Lighthouse, oui. Top Gun, oui, peut-être. Scorsese, oui, peut-être. Je sais pas, moi j'ai pas vu la bande-annonce, mais en tout cas, je vous invite à aller checker les bandes-annonces sorties et à vous hyper peut-être ou pas pour les prochaines sorties ciné qui vont arriver incessamment sous peu. Et en parlant de sorties ciné et ou séries télé, je ne sais pas, on va tout de suite venir à nos recommandations. C'est la solution de tous nos problèmes. James, c'est impossible, on ne pourra jamais. Je me souviens plus de toutes ces histoires. C'est tout ce qu'elles étaient, des histoires. Alors, qu'est-ce que tu as vu ou entendu, peut-être ? On parle jamais de musique ou de trucs pendant le mois, mais c'est la culture, la pop culture, on aime tout. Ou lu, même, peut-être, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu as vu, lu, écouté, entendu, qui t'a plu et que tu aimerais recommander ? En livre, j'ai lu le livre White de Bret Easton Ellis. Je connais pas du tout. Je connais de nom, mais je sais pas du tout ce qu'il fait. Grosso modo, c'est un auteur, scénariste, podcasteur, mais qui est surtout auteur. Mais comme nous. Voilà. Qui est surtout auteur. Il a écrit American Psycho. Il a écrit Moins que Zéro. Ah oui, ok, d'accord. Okay. Glamorama aussi. Et là, en fait, c'est son premier essai personnel à la première personne. Où il se demande en fait ce qu'est être maintenant, pour lui, être un blanc privilégié à l'époque des millennials et de l'époque de Twitter et à l'époque de Trump. Ouais. Et c'est très intéressant. Sachant qu'il est déjà vieux, donc. Ouais, il a la cinquantaine. Pas vieux, mais je veux dire, il est il est pas de notre génération, ouais. Justement. Et il se demande, enfin, il propose une étude de cas et j'ai eu très peur de le lire au départ parce que j'avais pas envie de voir un truc de vieux con. J'avoue que ça fait peur le. Et le en pitch. Fait, ben pas du tout. Enfin, c'est un livre qui est très dérangeant à lire, ça je suis d'accord. Parce que, en fait, c'est un livre qui te challenge à chaque fois en fait. Il sait que ceux qui vont le lire, ça va être des gens de notre génération, ça va être des millénials. Et il sait qu'à un moment donné, il y aura toujours le petit truc qui va froisser. Les gens de notre génération d'une manière ou d'une autre. Moi, par exemple, c'est quand il parle de cyberharcèlement et qu'il se moque du fait que les gens sont choqués et attristés par le suicide de personnes qui en sont victimes. Tu dis mec non, ouais. Tu dis non, pourquoi tu dis, enfin, mais après je le trouve, il y a des passages où je l'ai trouvé beaucoup plus lucide quand il parle quand il parle de comment les blancs ont réagi à la sortie de Moonlight, où j'ai trouvé ça très moqueur mais en même temps très rigolo. Ouais. Il parle de comment on est facilement choqué à l'ère de Donald Trump maintenant, et que le truc à faire c'est de ne plus être choqué mais d'agir. Je trouve ça assez. Moi je trouve que justement on est tellement plus choqué par rien parce que c'est tellement horrible tout ce qui se passe. Ouais, dans non, le monde. Mais lui justement il démontre l'inverse, c'est justement que au moment où il a été élu, tout le monde s'est enfin. A préféré, plutôt que d'agir, de faire quelque chose, a préféré juste râler, ouais. Chouiner, Enfin, après, Sweeney, je vais pas dire Sweeney parce chacun que voilà, à notre normal. Échelle, on fait ce qu'on peut. Voilà. Hein, mon gars, on n'a pas tous ton mais... privilège ni ton argent. Oui, non, mais ouais, après, oui. Ça c'est tourne ça, en un podcast sociopolitique. Mais voilà, j'ai lu ça et c'était dérangeant. C'était un peu du challenge, mais c'était pas déplaisant. Intéressant, quoi. Intéressant. Et aussi drôle par moments, j'avoue que ça fait un peu marrer. Et après, j'ai. Ben, oh, c'était des recommandations en film. Earthmail avec Elizabeth Moss. Mm-hmm. Bon, il passe plus en salle, malheureusement. Ouais. Déjà, il est passé en salle. C'est déjà, il est passé en salle, donc c'est un miracle. Petite victoire en soi. Elizabeth Moss, la star de The Handmaid's Tale. Donc, la star qui... de ma vie. Qui joue une rockstar grunge des années 90 qui vit une chute, puis va essayer de revenir à la gloire. Ouais. C'est très oppressant, musicalement c'est très fort. Mm-hmm. Ensuite, Midsommar de Ari Aster. Hérédité, c'était surcharmé comme film d'horreur. Et là, c'est plus trop un film d'horreur, mais un trip. Un pur trip de 2h30, donc faut vous y préparer. C'est... Ah ouais, je sais pas qu'il était si long. C'est. Mais c'est en Suède, donc ça c'est, passe. Voilà, ça. C'est. Alors imaginez-vous un festival type Coachella en Suède qui tourne mal. Coachella, tu dis ? On dit comment Coachella. Coachella. Tu dis pas un coach de football, tu dis un coach. Bah, koala, par exemple. Oui, mais c'est un mot français, koala. Coach. Tu dis pas un coach de foot, un coach de foot. Bref, pourquoi Coachella. Pas. On fait des. Alors, sociopolitique, leçons de diction, on fait tout ici. On fait, c'est un cabinet. Mais quoi. Oui, mais c'est un petit voyage inoubliable. C'est vraiment le temps fort de cet été. La Suède. C'est inoubliable, la Suède. Et mon dernier coup de cœur, alors lui, il passera peut-être plus inaperçu que Midsommar, mais c'est Les Fossards de Manhattan. Oui. Titré en version Can originale. You ever forgive me? Voilà. Il est enfin sorti en salle. Jeanne m'a tanné pendant des mois et des mois pour que je le regarde et je l'ai enfin vu en salle. Et c'est vraiment du pur classique hollywoodien comme on n'en fait plus. C'est élégant, ça se suit, mais. Comme une lettre à la poste, comme on dit, comme disent les gens. C'est. Pas sûr que les gens disent ça. c'est les deux acteurs, Melissa McCarthy et Richard Grant, ils sont fabuleux. Ils sont fous, leur dynamique, elle est trop bien. Ils sont super attachants. Totalement. Et. Très belle histoire que je vous recommande. Les personnages, ils sont super bien écrits et tout. Après, c'est adapté d'une histoire vraie, c'est adapté de. Mais ça la vraie histoire de. L'Israël. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que les personnages sont aussi bien écrits, parce que c'était des vrais gens à la base, et c'est inspiré de. Enfin, c'est une adaptation de la vraie vie d'une vraie personne, mais c'est. En tout cas, ils sont extrêmement bien joués, tu vois, dans des petits regards, tu vois un. Une émotion. Ouais, une émotion, tu vois ce qu'elle pense, enfin, tu comprends tout, on a un clignement de cils, tu vois, enfin, c'est fou. C'est fou ce qu'elle fait dans ce film, enfin, ce qu'ils font dans ce film. Et oui, je t'ai pris ton temps de parole. Non, mais j'avais tout dit, et c'est quoi tes recommandations? Ah bah moi, ça va être moins tout de suite, on va redescendre d'un cran, c'est Spider-Man. Ah. Spider-Man Far From Home, qui vient de dépasser le 1 milliard d'entrée dollars, au box-office... D'entrée. Ouais, enfin, de dollars d'entrée au box-office international. Interplanétaire, j'ai envie de dire même, qui est... Moi, j'ai trouvé un petit peu, mais vraiment un petit peu en deçà de Homecoming, que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Mais là, Mysterio fait tout. Mysterio, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé la réécriture qu'ils ont fait dans le MCU. Il y a quelques scènes vachement bien réalisées, vachement bien pensées. Jake Gyllenhaal qui joue Mysterio, meilleur choix, parce que c'est un putain d'acteur. Et ça me fait toujours super plaisir dans le MCU. Ils choisissent trop bien leurs acteurs, parce que c'est des acteurs vraiment... Il y a des acteurs oscarisés et tout dans cet univers, alors que tout le monde, des gens vont rabâcher que oui, c'est du divertissement, oui, je suis d'accord, c'est du divertissement, blablabla et tout, que c'est une franchise à 1000 milliards de dollars, de 1000 sabords, mais il y a quand même des acteurs oscarisés qui font un taf de ouf, et si vous l'avez vu, vous saurez de quelle scène je parle. Il y a une scène où Mysterio switch, on va dire, et juste cette seconde. Il sort sa Switch et il va jouer avec. Il va faire un smash. Il va jouer avec le réel de James Bond. Mais il y a cette seconde sur le regard de. Enfin, sur le visage de Jake Gyllenhaal est juste oufissime. Et Tom Holland, Zendaya, évidemment, Zendaya, que j'aime tous les deux énormément. Et Martin Starr, il m'a beaucoup fait marrer dans le film aussi. Et évidemment, évidemment, rester jusqu'à la toute fin du générique, des deux génériques, enfin du générique coupé en deux, bref. Restez bien jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'images sur l'écran. Voilà, moi c'est tout pour mes recommandations. Il n'y a pas eu trop de choses qui m'ont fait, à part les annonces du MCU, mais il n'y a pas eu de choses que j'ai vues qui m'ont fait... qui m'ont retourné, on va dire. En août, il y a des choses qui arrivent dont je pense je vais parler dans le prochain épisode. D'ailleurs, prochain épisode dans lequel on va se retrouver. On se dit donc au revoir pour ce mois-ci. Vous pouvez nous retrouver en attendant sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez sur iTunes, toutes les applications de podcast en écoutant d'autres émissions, des anciennes émissions. Et on se dit à la prochaine fois pour une prochaine émission, peut-être un HS, peut-être qu'on aura des HS en août, on va essayer de voir tout ça. Et au mois prochain pour un prochain rattrapage. Au revoir. Au revoir.